petite radio. Oui. Vous voulez prendre mon multi-moyage ? Oui, alors attendez. Ouais, je vois que vous êtes blessé, monsieur. Comment ? Vous êtes blessé ? Oui, je suis blessé, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est sur la manif de Rouen ? Je suis sur la manif de Rouen. On descendait la rue Jeanne d'Arc. Ça se passait très, très bien. Il n'y avait pas de... Il y avait simplement des slogans habituels, pas de slogans violents, rien du tout. Des CRS sont arrivés au niveau de la rue, comment elle s'appelle déjà, la rue commerçante. La rue du Gros Horloge. Ils se sont mis, ils ont coupé le cortège, se sont mis en travers la rue Jeanne d'Arc et ils ont commencé à taper tous ceux qui voulaient descendre, gratuitement, sans sommation. C'est une manif déclarée en plus ? C'est une manif déclarée. Je ne sais pas si la rue Jeanne d'Arc était prévue dans la manif, je ne sais pas. Voilà. J'ai fait toutes les manifs, je suis un pacifiste convaincu en disant que c'est pas par la violence qu'on va arriver à quoi que ce soit. Néanmoins, j'ai été frappé et j'ai perdu mes lunettes, aujourd'hui gratuitement. Voilà. Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous manifestez ? Ben, pour la retraite, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai 72 ans, j'ai une belle retraite, je vais pas à me plaindre. Et si je suis là, c'est pas pour foutre la merde, c'est pour me battre pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Voilà. Vous voulez laisser votre prénom ? Daniel. Merci Daniel, bon courage à vous. Merci bien. Donc c'est de nouveau Juliette sur la manif de Rouen. Et je suis avec José. Il y a eu un truc assez hallucinant, enfin une charge des flics complètement hallucinante qui a été passée. Qui s'est passé là, je vais le laisser en parler. Bonjour. Donc au niveau de ce qu'on appelle la rue Jeanne d'Arc, croisement avec la rue du Gros Horloge, la police était là, juste sur le bord du trottoir, vraiment au contact de la manifestation. Alors évidemment, ça a créé un peu de tension, quelques invectives. Ces derniers temps, on a quand même des reproches à faire à la police. Il y a eu Cédric, il y a eu la violence policière de tous ces derniers mois. Et eux, ils ont réagi très violemment aux quelques critiques qu'on faisait. Ils ont foncé dans la manifestation, ils ont tabassé il y a quelques blessés au visage. Ils ont arrêté au moins une ou deux personnes. J'ai pas vraiment... Dans la cohue, c'était difficile à voir. Il y a des traces de sang par terre, sur la route. Donc voilà, c'est fou, quoi. Ils ont attaqué une manifestation syndicale qui était tranquille, qui n'a pas apprécié d'avoir les CRS qui viennent juste à leur contact. Dans le contexte actuel, quoi. Et donc, on n'a qu'à regretter encore des camarades, des collègues blessés, arrêtés, et on va essayer de suivre ça pour voir la suite qu'on donne, quoi. Et je sais pas, à Rouen, ça se passe habituellement pas comme ça, en plus, il y a une sorte de seuil qui est franchi, quoi. Bah, disons qu'il y a pu y avoir des moments plus tendus, vous savez bien, avec les gilets jaunes, tout ça, pendant ces derniers mois. Par contre, à Rouen, c'est pas là où il y a le plus de violence, et en plus, là, dans ce mouvement-là, il n'y a eu aucun problème. Aucune dégradation. Depuis le 5 décembre, les manifestations se déroulent tranquillement. Même quand il y a quelques petites tensions, quand on bloque un endroit et qu'ils veulent qu'on s'en aille, c'est ça. Je dis que c'est un peu, dans le cadre des trucs un peu normaux. Là, cette violence comme ça, de venir au contact des manifestants et de les charger violemment et d'inonder la manifestation de grenades lacrymogènes où tout le monde a dû fuir, personnes âgées, enfants... parce que ça suffoquait, parce que ça. Et en plus, sortir les matraques et de matraquer des personnes effectivement blessées au visage, très blessées, parce qu'ils ont pris des coups de matraque directement sur le visage et sur le front. Quoi. José, est-ce que on continue la manif ? Tu peux nous dire vers où on va, comment ça, on va traverser avant que le camion nous écrase ? Parce que du coup, on s'est laissé distancer. Est-ce que tu peux nous dire vers où on se dirige pour cet après-midi ? Cet après-midi, ce qui est prévu, là, disons ce midi déjà, là, on rejoint la capitainerie du port, là où il y a la direction patronale donc, qui gère le port de Rouen, qui est occupée par les salariés port et doc depuis déjà quelques jours. Donc là, ils sont là-bas, on les rejoint, on va manger un petit truc tous ensemble là-bas, et après on fait une assemblée générale interprofessionnelle pour la suite, quoi, parce qu'évidemment, nous, dès demain... Il y a des mobilisations déjà prévues avec des blocages, comme tous les matins à Rouen, il y a des actions. On va continuer jusqu'au retrait, parce qu'on n'a pas fait tout ça de toute façon maintenant pour ne pas continuer jusqu'au retrait. On sera à nouveau nombreux samedi matin dans les rues de Rouen. Il y a autant, tous les jours qu'il le faudra, même si ça devient difficile, on ne va pas lâcher, on n'a pas envie de lâcher et on ne lâchera pas. Voilà, on lâche rien. Et là, aujourd'hui, aussi, pour préciser, c'est une opération port mort sur le port de Rouen, qui est un des très gros ports céréaliers d'Europe. Et donc, c'est un très, très gros blocage actuellement sur Rouen.